Acte de Thomas. Thomas, d'après les visions d'Emoric. Les parents de Thomas demeurent à Aphek, de la tribu d'Acher, dans une ville située au bord d'une petite rivière entre Logio et Jisrael. Aphek était traversée par une grande route sur laquelle passaient les marchands avec leurs chameaux. Le père de Thomas faisait le commerce et avait des intérêts dans la navigation des côtes de la mer Méditerranée. Il envoyait au loin par cette voie les marchandises qu'il achetait aux caravanes. Thomas avait un frère jumeau, et leur mère était morte en les mettant au monde. Leur père se remaria et ce second mariage donna à Thomas une sœur et deux frères. Après la mort de son père, la veuve prit un autre époux. Ce nouveau ménage était encore fort jeune et Thomas fut confié à un frère de son père qui faisait partie d'une secte et qui l'éleva durement. Par suite du commerce que faisaient ses parents et ses alliés, Thomas entra de bonne heure en rapport avec des étrangers, il se familiarisa avec leurs usages et leur langue. Son éducation lui avait donné beaucoup de confiance en lui-même et il voulait avoir des preuves sur toutes choses. Il changea souvent de profession, il s'occupa de navigation, de commerce, et se livra aussi à la pêche sur la mer de Galilée où il entra en rapport avec ceux qui devaient être dans la suite ses collègues dans la charge d'apôtre. Plus tard, il commença à étudier et à faire diverses branches des sciences enseignées en Judée. Il fréquenta les écoles des pharisiens sans lui-même devenir pharisien. Il mena ensuite une vie errante, résida tantôt chez lui, tantôt chez Barthélemy et chez Nathanaël, lesquels lui procurèrent un emploi de scribe. Thomas avait environ 3 ans de plus que Jésus. Le Seigneur étant allé au temple vers sa 20e année, Thomas y alla de son côté et vit Jésus sans pourtant lui parler. Ce voyage fut l'occasion d'un changement dans sa manière d'être, car Thomas entra alors en relation assez intime avec Jacques le Mineur, qui était un Essénien remarquable par sa piété. Celui-ci lui raconta beaucoup de choses touchant Jésus, ce qui le porta à une vie plus sérieuse et plus pieuse. Lorsque Jésus atteignit sa 30e année, Thomas résida à Arimathie où il exerçait un emploi de scribe. Il entendit parler de Jésus et de Jean le Baptiste, toutefois il ne crut pas tout d'abord. 3 ans après le voyage de Jésus dans le pays des rois mages, Thomas arriva dans ce même pays avec l'apôtre Thaddée, les disciples Caïsar et Sylvain le fils du centurion Achia de Giscala, et 2 autres encore. Tous baptisèrent sur ce chemin que je vois Jésus parcourir dans mes visions. Il ne prit pas la route par laquelle Jésus était venu mais il partit d'un point plus au sud, dans le camp de Mansor, nord de l'Arabie, où on lui fit une réception solennelle, moins pompeuse que celle qu'on avait faite à Jésus. Ces gens étaient devenus plus simples dans leurs mœurs. Tout fut changé dans leur temple. Plus d'idoles, plus de représentations du ciel étoilé, mais la petite crèche et un âne encore à côté, aussi l'image de l'agneau de Dieu et l'autel avec le calice. Il y eut la cérémonie du baptême de Mansor, de l'autre vieux roi Séir, et des principaux membres de leur famille, 12 environ. Pendant ce baptême l'Esprit Saint plana et descendit sur les nouveaux chrétiens sous la forme d'un corps lumineux ailé qui tenait de la colombe et de l'ange. Après le baptême, on célébra un service d'action de grâce en plein air. Mansor reçut le nom de Léandre, et Théokéno le vieux roi infirme, celui de Léon. Ils laissèrent plus tard leur résidence à d'autres qui n'émigrèrent pas avec eux et partirent en 3 troupes divisées. Celui où se trouvaient les gens les plus considérables arriva dans une île, Crète, où Denis l'Aréopagite résidait quelque temps ainsi que Carpus. Thomas baptisait sur la route et même à Cédar la ville païenne, toutefois on ne baptisa à personne à l'endroit de la Chaldée où se trouvait le jardin fermé. Thaddée y donna le baptême plus tard lorsqu'il alla en Perse après la mort de Marie. Au terme de ce voyage, Thomas envoya Thaddée avec une lettre au roi Abgar afin qu'il le guérisse. Le Seigneur lui avait révélé la maladie de ce prince. Thomas faisait de grands miracles partout sur son chemin et il établit des enseignants pour instruire les habitants des pays qu'il avait parcourus et il laissa même un disciple. Lui-même continua son voyage et alla jusqu'en Bactriane. Il pénétra très avant dans le nord, au-delà du point où la Chine toucha la Russie. Il trouva la déorde tout à fait sauvage. On lui fit un bon accueil en Bactriane et chez les peuples qui suivent les enseignements de l'étoile brillante. Il alla aussi dans le Tibet. Ce fut des contrées lointaines situées par-delà la Bactriane que Thomas amena avec lui à Éphèse, À la mort de Marie, ce serviteur qui avait, dans ses manières, quelque chose de si nouveau, si étrange, mais en même temps si docile et si pieux, le pays d'où il venait n'était pas le plus reculé de ceux où le conduisirent les parcours des apôtres. Par la suite, ce serviteur était auprès de lui. Il pouvait porter des fardeaux énormes et traîner de grosses pierres quand Thomas bâtissait une chapelle. Plus tard, Thomas fut en Inde et aussi dans une île habitée par des hommes noirs, et même au Japon où il a fait des prédictions sur l'avenir de la religion dans ces pays. Thomas était à genoux sur une pierre, ravi en extase en priant, quand les prêtres des idoles vinrent l'assaillir et le percèrent d'une lance par derrière. Son corps fut transporté à Édesse en Chaldée. J'y vis célébrer une fête en son honneur. Il resta pourtant au lieu de son martyr une de ses côtes avec la lance qu'il avait percée. Il y avait auprès de la pierre un jeune olivier qui fut arrosé de son sang. Je vis qu'il en suintait de l'huile tous les ans, le jour de son martyr, et quand cela n'arrivait pas, les gens du pays s'attendaient à une année malheureuse. Je vis que les idolâtres essayèrent inutilement d'arracher cet arbuste qui repoussait toujours. On bâtit là une église et, lorsqu'on célébrait la Sainte Messe le jour de la fête de l'apôtre, l'arbrisseau avait un suintement d'huile. La ville s'appelle Meliapur. Elle est aujourd'hui dans un triste état, mais le christianisme y refleurira. Thomas était arrivé à l'âge de 93 ans. Il était très maigre et il avait des cheveux rougeâtres. Au moment de sa mort, le Seigneur lui apparut et lui dit qu'il siégerait à ses côtés au jour du jugement. Thomas, en Inde. Acte de Saint Thomas, en Inde, Abdias 1564. Thomas approcha Jésus à un repas pour fêter la guérison d'Issachar, et le pria de le recevoir au nombre de ses disciples. Il voulait le suivre, disait-il, et faire tout ce qu'il lui dirait. Son enseignement et ses miracles qu'il avait vus l'avaient convaincu que Jean et ses disciples avaient dit la vérité sur lui. Il le pria de permettre qu'il lui parle son royaume. Jésus répondit qu'il le connaissait, savait d'avance qu'il viendrait à lui. Thomas ne voulut le croire et assura n'y avoir pas pensé avant, non enclin à se séparer du reste des hommes, que tout récemment convaincu par les miracles de Jésus. Le Seigneur lui dit, « Tu parles comme Nathanaël, tu te crois sage et tu dis des choses folles. Le jardinier ne doit-il pas connaître ses arbres, le vigneron ses ceps? Et quand il cultive sa vigne, ne doit-il pas connaître les serviteurs qu'il veut y envoyer ?» Sur le chemin, à plusieurs reprises, Jésus avait eu des entretiens prolongés, surtout pour l'instruction de Thomas, Simon de Manathème, Nathanaël le petit Cléophas, et des nouveaux disciples. Il parla des conditions exigées pour le suivre et dit qu'il fallait abandonner tout ce qu'on avait, sans regret et sans retour, et s'ils étaient bien pénétrés du peu de valeur des biens terrestres, il retrouverait tout cela multiplié par mille dans son royaume. Il leur dit aussi qu'avant de renoncer à tout ainsi, ils devaient examiner mûrement s'ils en étaient capables. Le petit Jephté qui était muet et totalement paralysé à l'âge de 6 ans fut guéri par Jésus, à qui son père était centurion de Giscala, devint un disciple de Thomas. Fin de la vision d'Hémorique. Thomas resta encore à Jérusalem bien que la révélation divine lui demandât de partir en Inde montrer la lumière de la vérité au peuple qui vivent dans les ténèbres. Thomas différait comme Jonas en fuite devant la face du Seigneur, n'exécutant pas ce que la révélation divine lui prescrit. Par quoi notre Seigneur lui apparut tandis qu'il dormait et dit « Thomas, ne crains pas d'aller en Inde pour te porter témoin de ma parole devant les hommes de la contrée. J'irai avec toi. Je ne te laisserai pas, je te glorifierai en ce pays-là. Tu mettras fin pour un combat heureux et je te retirerai vers moi en honneur et gloire pour te loger parmi tes frères. Sache que tu vas devoir beaucoup endurer par amour pour moi dans cette contrée jusqu'à ce que tous apprennent par tes enseignements que je suis le Seigneur. Je vous supplie Seigneur, n'envoyez pas là votre servant. La route est lointaine et fâcheuse, et les gens qui ne savent pas la vérité sont mauvais. » dit l'apôtre. Un homme d'Inde nommé Aban arriva à Jérusalem en ce même temps, envoyé par le roi Gondafre pour ramener de Syrie un maître architecte bien de son art. Notre Seigneur apparut sous forme humaine et lui dit : « Quelle affaire te fait venir ici de si loin ? » Je suis envoyé de la part de mon maître le roi de l'Inde pour ramener un homme de bon esprit pour construire palais et château pour lui, dit-il. J'ai un servant que tu achèteras si tu veux. Incontinent, il conduit à Ban au logis de Thomas et le désigna en disant « Voilà mon servant, l'ouvrier dont je t'ai parlé. Maintenant convenez entre vous du prix, et quand il l'aura reçu, amène-le où bon te semblera. » Ce qui fit à Ban. Il toma par la main jusqu'à son navire et fit voile jusqu'en Inde. Ils y arrivèrent après 3 mois. Aban fut ébahi d'avoir fait le chemin en si peu de temps que les autres font en grande peine en 3 ans. Ils mirent pied à terre en Inde et descendirent dans la première ville. En entrant, ils entendirent les instruments de musique résonner de toutes parts et on ne parlait que de plaisir et de réjouissance dans toute la ville. Par quoi ils demandèrent la raison de cette joie, on leur répondit que le roi maria son unique fille et le peuple se réjouissaient à cette occasion, qu'ils étaient à temps pour se trouver au festin. Cependant qu'ils devisaient, un aéroderme vint à crier. Écoutez tous, habitants riches, médiocres, étrangers, et pauvres. Le roi vous fait savoir de vous trouver aujourd'hui au festin qui se fait au château pour vous réjouir en grande chère. Et qui pense s'exempter de cette réjouissance commune sera accusé et puni de lèse-majesté. Allons-y nous aussi pour ne pas se retrouver en faute, dit Aban à l'apôtre. Entrez au château. On leur dit de s'asseoir aux tables et l'apôtre se mit au centre de la table. Chacun avait regard sur lui puisqu'il était étranger. Au rang ce festin, une jeune fille hébreu, qui était joueuse de flûte, connut que Thomas était de son pays en le voyant prier et louanger Dieu et ne put retirer sa vue de dessus lui. Lui d'autre part, vit bien qu'elle était hébreu, la regardait volontiers. À quoi un de ceux qui servaient à table, mu de jalousie, donna sur la joue de l'apôtre en lui disant « Pourquoi regardes-tu tant cette femme ?»« Mon enfant, dit l'apôtre levant les mains vers le ciel, le Seigneur veuille te le pardonner au futur jugement, mais qu'il rende à ta main droite ce qu'elle m'a donné injustement en ce monde. » Après avoir parlé ainsi, il commença à chanter et répéter cette chanson. Présence de lumière. Magnifique servante où réside la splendeur des rois. Brillance resplendissante de beauté à la vue délicieuse, dont les vêtements épandent une douce odeur de parfum, comme celle des bourgeons en fleurs. Le roi siège sur le diadème de sa tête et nourrit ceux assis près de lui de son propre nectar. La vérité demeure sur sa tête et montre des pieds sa joie lorsqu'elle va ouvrir sa bouche. 32 chantent ses louanges et leurs langues sont tirées comme un rideau de porte pour ceux qui entrent. Son cou est semblable aux premiers escaliers que le Créateur créa. Ses deux mains signifient, représentent, déclarent la danse du cœur des âges bénis. Ses doigts représentent les portes de la cité. Sa chambre est illuminée, elle respire chaque parfum dans son balsamier. Elle exhale une douce odeur de myrrhe et arôme des plants de myrte et fleurs de toute espèce aux douces senteurs. La chambre nuptiale est ornée de calamus. Elle s'est choisie sept garçons d'honneur, qui l'entourent comme un mur, et cette fille d'honneur danse devant elle. Et sous ses ordres 12 servants au regard fixé sur le fiancé afin qu'il puisse être illuminé, car ils seront jusqu'en éternité avec lui dans cette joie éternelle, assis ensemble à table de ce mariage où les grands seront rassemblés, revêtus de l'habit royal et portant les robes lumineuses pour vivre les festivités éternelles dont ils ont été jugés dignes. Chacun d'eux sera exalté de joie, ils glorifieront le Père de la majestueuse lumière universelle qu'ils ont reçue, dont ils ont été illuminés à la vue de leur Seigneur de qui ils ont reçu le nourrissant nectar où ne se trouve absolument aucune défaillance, de qui ils ont bu le vin qui ne donne plus soif, ni aucun désir de chair. Ils ont glorifié l'Esprit vivant et louangé la vérité du Père et la sagesse de la Mère. Quand il eut chanté ce chant, tous ceux qui étaient présents le regardèrent et gardèrent silence comme ils virent sa forme changer. Ils ne comprirent pas ce qui avait été dit par lui parce qu'il était hébreu et ce qu'il dit fut dit en hébreu. Seule la joueuse de flûte entendit tout. Elle jouait pour les autres, à part de lui, mais tournait ses yeux vers lui par estime envers une personne du même peuple. La nuit approchait et l'eau manqua durant le banquet. Comme il fallut aller enquérir, voyant que les autres tardaient trop à venir, ce serveur voulut aller lui-même. Comme il approchait de la fontaine, un grand lion se jeta sur lui et le déchira en pièces et un chien qui se trouvait là, prit la main droite et la porta au château, la traînant parmi la place. À quoi les assistants émerveillés demandèrent lequel des serviteurs manquait et trouvèrent que c'était le jeune homme qui les servait à table, qui avait été tué à la fontaine, dont le corps avait été dévoré par le lion, excepté la main dextre que ce chien avait prise et apportée au château. La fille hébreu fut convertie par ce qui avait été fait, elle cassa les flûtes et se vint jeter aux pieds de l'apôtre, disant à haute voix. Assurément cet homme est servant du Dieu vivant, car ce qu'il dit s'accomplit incontine. Même le roi averti se prosterna à ses pieds et lui dit. Je vous prie homme de Dieu, qu'il vous plaise de prier votre Dieu pour ma fille unique que j'ai mariée aujourd'hui. Je vous requiers d'aller lui donner la bénédiction, elle et son mari pareillement. L'apôtre n'y voulait entendre. Le Seigneur ne s'étant pas révélé là, mais le roi le contraignit d'aller jusqu'à la chambre. Le saint apôtre étendit les bras et fit sur cette prière. Seigneur, je te supplie de vouloir donner ta bénédiction sur ces deux jeunes personnes, inspirer et conduire les volontés en tout ce qu'ils auront à faire. Quand l'oraison fut faite, tous sortirent de la chambre et le jeune prince rentre. Comme il entrait, notre Seigneur lui apparut ayant pris la forme de Thomas et était assis sur son lit. Ce dont le jeune homme s'effraya et lui demanda. Comment, n'étiez-vous pas naguère sorti? Comment êtes-vous déjà retourné? Je ne suis pas Thomas, dit-il, mais bien son frère. Il vous a recommandé à moi et m'a donné charge de prendre garde à ce qu'il ne vous advienne aucun mal. Maintenant écoutez mon conseil. Délaissez les affaires de ce monde pour croire au Dieu vivant que mon frère Thomas annonce. Vivez chastement sans vous soucier de cette vie mortelle, afin que par sainteté d'esprit et de corps, étant fait le temple de Dieu, vous acquériez cette vie éternelle qui n'est bordée d'aucune fin. Mes enfants, gardez à l'esprit ce que mon frère vous dit et ce qu'il vous recommande, et sachez cela, que si vous vous abstenez des relations grossières, vous deviendrez des temples de pureté sacrée, libérés des souffrances et des difficultés connues et inconnues, vous ne serez pas impliqués aux soucis vitaux des enfants dont la fin est destruction. Mais si vous aviez beaucoup d'enfants, vous deviendrez avides et avares pour leur cause jusqu'à dépouiller les orphelins et convoiter la propriété des veuves. En faisant cela vous vous soumettrez au plus grand châtiment. De nombreux enfants deviennent infructueux parce que harassés par les démons, ouvertement pour certains, secrètement pour d'autres, et deviennent malsains ou demi-atrophiés, ou boiteux, ou sourds, ou muets, paralysés, ou débiles. Et même s'ils sont en bonne santé, ils seront de même bons à rien, faisant des actes immoraux et s'imbibrant d'adultère ou de meurtre, de vol ou de fornication, et par cela vous serez en douleur. Si vous êtes déterminé à préserver la pureté de vos âmes pour Dieu, il naîtra de vous des enfants vivants que ces choses mortifiantes ne toucheront pas et vous serez sans souci, sans difficulté de vie à passer, libre des griefs et des problèmes, attendant de recevoir ce mariage incorruptible et véritable alors que vous serez compagnon du fiancé, allant avec lui dans cette chambre nuptiale remplie de lumière immortelle. Après avoir dit ces mots et leur avoir donné la bénédiction, il partit. Le lendemain matin, le roi vint les visiter, trouva le jeune homme assis, sa femme auprès de lui, aucunement honteuse comme un tel jour le requiert. Et pour ce, leur demanda pour quelle occasion ils étaient ainsi assis. Le jeune prince lui répondit. Je te remercie Seigneur, pour avoir été proclamé par cet étranger et nous avoir trouvés. Toi qui as mis la corruption loin de nous et as semé en moi la vie, qui m'a délivré de cette souffrance difficile à soigner et difficile à guérir, qui t'es montré à nous pour me révéler tout ce qui me concerne et ce que je suis, qui m'a dégagé de ma faiblesse et m'a conduit à mieux, qui m'a délivré des choses temporaires et m'a engagé aux choses immortelles et l'existence sans fin, qui t'es porté en bas vers moi à ma petitesse même, en sorte de me placer près de ta grandeur tu puisses t'unir à moi, qui n'a pas soustrait ta compassion envers moi-même à montrer comment chercher moi-même et connaître ce que j'étais, comment et qui je suis maintenant, afin que je devienne de nouveau qui j'étais, que vraiment je ne savais pas. Mais toi que je ne connaissais pas, tu m'as cherché et m'as pris pour toi, toi que j'ai connu et que je ne peux oublier, dont l'amour est fervent en moi et ne peut parler comme vraiment je devrais. Mais le temps que je parlerai de lui n'est pas en proportion de sa gloire. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il lui a plu nous appeler à la connaissance de lui, afin que nous suivions la vérité à sa lumière et délaissions les ténèbres. Le roi aussi dit à la jeune princesse. D'où vient cela, que n'étant aucunement honteuse du premier jour de vos noces, vous levez si impudemment les yeux? Vraiment père, je suis grandement en amour et je prie mon Seigneur que l'amour que j'ai connu cette nuit continue et mendie pour moi ce mari que j'ai connu aujourd'hui. Je ne suis plus couverte, car je ne suis plus honteuse, ni confuse, pour la raison que l'emprise de honte et confusion s'est retirée loin de moi. Je ne suis plus sous aucune émotion violente depuis que l'émotion violente n'habite plus en moi. Je suis de bon entrain et en joie depuis le jour, car la joie n'a pas été dérangée. Je ne tiens aucunement compte de ce mari et de ces noces qui se sont déroulées sous mes yeux, car depuis j'ai joint tous différents mariages, je n'ai pas eu de relation avec un mari temporel dont la fin est l'obscénité et l'amertume d'âme, mais j'ai été unie à un mari véritable. Ces noces-ci sont passagères, dit-elle, je suis fiancée au roi des cieux. Le lit duquel reluit de toutes parts de riches pierreries, les noces duquel sont chastes, à la table duquel les mains ne défaillent jamais, en la maison duquel est une joie perpétuelle, une réjouissance éternelle, et les ébattements ne cessent point. Son regard est désirable à tous ceux qui croient en lui, de ses vêtements sortent des suaves odeurs de divers parfums, en ses jardins, les beaux lys retiennent toujours leur blancheur, les roses leur vermeil, leurs fleurs et le safran y sont toujours jaunissants. Ayant ainsi parlé, le roi déchira ses vêtements et dit. Qu'on me cherche ce magicien que j'ai moi-même fait venir à ma maison pour perdre mes enfants. Les voilà maintenant enchantés par lui et se disent chrétiens. Donc le roi, courroucé comme il était, envoya chercher et lui amener l'apôtre, mais ils ne le trouvèrent pas, d'autant qu'il était parti avec un banc plus avant aux Indes. Les deux jeunes princes et princesses ne cessèrent depuis cet instant d'annoncer la parole de notre Seigneur, tant que tout le peuple se convertit à Dieu, même le roi, père de la princesse, ayant contrition et repentance de ce qu'il avait fait, crut notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant su que Thomas demeurait plus avant aux Indes, parti avec tous ceux qui avaient pris foi, il vint vers lui, se prosterna devant lui, le priant de vouloir tous les consacrer de la grâce du baptême. L'apôtre fut grandement réjoui de l'entendre ainsi parler et connaître ce qui était advenu, ce dont il rendit grâce à Dieu. Il les baptisa au nom de la Trinité. Le roi pria même qu'il eût la tête rasée et fut institué pasteur, et écouta sans cesse la prédication de la doctrine de l'apôtre. Durant ce temps, Aban se rendit chez son maître le roi Gondafre, lui rapporter qu'il avait trouvé un tel homme qu'il avait commandé. Le roi bien joyeux, commanda qu'on le fît venir. Il lui demanda qu'il savait bien faire et en quel artifice il était versé. L'apôtre dit « Je suis serviteur d'un maître architecte. Je m'y connais à bâtir en bois et en pierre, en toute forme d'édifice qu'on me commande. Longtemps que je cherchais un tel ouvrier, dit le roi. Et sortant de la ville, lui montra une place, disant « Si vous êtes vrai architecte, vous me bâtirez un château en cette plaine, et quand vous l'aurez fait, je dirai que vous en savez faire d'autres. Vous avez bien choisi le lieu pour y faire un bâtiment beau et digne que le roi en fasse ses demeures, parce qu'il est de longue étendue, bien droit en plaine, plaisant au moyen de l'eau, et sain grâce au bon air. Qu'en serez-vous capable? Je commencerai en un, finirai en six. Tout édifice se construit en été, dit le roi étonné. Vous pouvez construire et faire un palais même en hiver? Cela doit être, sinon c'est impossible, dit l'apôtre. Si c'est votre opinion, démarquez pour moi comment sera le travail, car je ne serai pas de retour à printemps. L'apôtre prit un roseau et mesura l'endroit et le marqua. Il plaça les portes vers le lever du soleil pour regarder les lumières, les fenêtres à son coucher vers les vents, il mit la cuisson du pain au sud, et le réservoir d'eau au nord pour l'abondance. Tu es vraiment un artisan doué, il convient que tu serves les rois, dit le roi. Puis le roi lui déclara quelle grandeur il le voulait, laissa grande somme d'argent et partit pour une autre ville, lui recommandant de parachever son château le plus tôt qu'il pourrait. Thomas reçut l'argent et alla par la ville annoncer l'évangile. Il distribua l'or et l'argent du roi aux pauvres et aux souffreteux, et guérit les malades du pays. Peu après, quand le roi envoya des gens vers l'apôtre à savoir si le bâtiment était avancé et s'il avait affaire de quelque chose, l'apôtre dit que le château que le roi avait commandé de bâtir était fait, qu'il restait seulement quelque chose à la couverture. Aussi il plut au roi d'envoyer argent pour le parfaire. Il envoya de rechef argent à saint Thomas avec commandement de faire couvrir le bâtiment en diligence. L'apôtre dit au Seigneur : Je te remercie Seigneur pour toutes choses. Toi qui mourus un temps pour que je vive en toi à jamais, toi qui m'as vendu pour que tu puisses en délivrer plusieurs à travers moi. Il ne cessa pas d'enseigner et d'apaiser les souffrants, leur disant : Le Seigneur a dispensé ces choses pour nous. Il donne à chacun sa nourriture, car il est le soutien des orphelins et la providence des veuves, et de tous ceux qui sont dans la souffrance, il est le répit et le repos. Longtemps après, le roi pensant que son château fut tout à fait achevé, vint à la ville et dit à chacun de ses plus familiers qu'il avait grand désir de voir le château que Thomas lui avait bâti. Mais ils lui firent réponse qu'il n'avait fait aucun bâtiment, ni en la ville ni auprès, et dirent : Il va par le pays distribuant votre argent aux pauvres et parle au peuple d'un Dieu dont on n'entendit jamais parler. Et après cette vie, en promet une, je ne sais quelle, qu'il dit être éternelle, assurant que ceux-là vivent toujours qui croient au nom de son Dieu. Il chasse les diables, guérit les malades, ressuscite les morts, sans prendre aucun salaire. Donc il appert à ceux qu'il est enchanteur et qu'il séduit le monde. Le roi entendant cela fut tout en colère et l'envoya quérir. Il lui dit de montrer l'édifice qu'il avait fait autrement il le ferait mourir. L'apôtre répondit : Sœur, l'édifice que vous m'avez commandé faire est parfait. Vous ne le saurez voir maintenant mais vous le verrez au siècle futur pour y demeurer en toute heure et félicité. N'ayez crainte, croyez seulement au Dieu que je proclame, car vous serez libérés de ce monde et vous obtiendrez la vie dans le monde à venir. Comme je vois, vous êtes donc venu ici pour nous abuser et vous moquer de nous, répondit le roi. Et un comptine l'envoya en prison avec Aban. Gad, un frère du roi, ayant entendu que l'argent du roi avait été dépensé qu'il n'en restait un seul denier, se fâcha si fort de la perte du roi son frère que la fièvre le prit. Étant couché au lit, fit prier le roi de le venir voir et lui dit : Je vous recommande ma maison, et vous prie de faire décapiter cet enchanteur pour la méchanceté duquel je suis en ce danger. » Et alors qu'ils parlaient ensemble, l'âme de Gad son frère s'en alla. Le roi s'endeuilla excessivement pour Gad, car il l'aimait en tout. Il ordonna de préparer une robe royale et de prix, pour l'enterrement. Les anges reçurent l'âme de Gad le frère du roi, qui le prirent au ciel pour lui montrer là les places et les habitations, et lui demandèrent : À quelle place souhaites-tu habiter ? Ils arrivèrent près de l'édifice que l'apôtre Thomas avait construit pour le roi. Gad le vit et dit aux anges : Je vous supplie, mes seigneurs, permettez-moi d'habiter dans l'une des chambres du sous-sol de ce palace. Tu ne peux habiter dans cet édifice, lui répondirent-ils. Pour quelle raison ? Ce palace est celui que ce chrétien construit pour ton frère. Mes seigneurs, je vous supplie, permettez-moi d'aller chez mon frère afin que je puisse acheter ce palace de lui. Il me le vendra car mon frère ne sait à quoi il ressemble. Les anges laissèrent l'âme de Gad partir et son âme revint à lui comme il allait lui mettre la robe d'enterrement. Il était couché, les yeux clos, sans prendre aucune viande, ni dire un seul mot. Au troisième jour, il ouvrit les yeux et fit prier le roi de venir le visiter. Ceux qui se tenaient autour de lui partirent aussitôt dire la bonne nouvelle au roi, disant : Votre frère est revenu à la vie. Le roi se leva pour partir chez son frère, avec une grande multitude. Il se tint à côté de son lit, sous le choc, incapable de lui parler. Frère, je suis persuadé que quiconque te demanderait la moitié de ton royaume pour ma cause, tu lui donnerais. Aussi je t'implore de me faire une faveur que je te prie de m'accorder. Que me demandes-tu de faire pour toi ? Dit le roi. Assure-moi par serment que tu me l'accorderas. De tout ce qui m'appartient, quoi que tu me demandes, je te le donnerai, dit le roi. Je me fie dans mon espérance que tu ne me voudras pas refuser une chose que je te demanderai, c'est de me transférer le droit que tu as du palace que l'étranger t'a bâti. Vends-moi le palace que tu as construit aux cieux, dit-il. D'où y a-t-il un palace qui m'appartienne aux cieux? Celui du chrétien présentement en prison, que le marchand t'a acheté d'un certain Jésus et te l'a amené. Je parle de cet esclave hébreu que tu souhaites punir pour avoir subi une contrainte de sa part, pour le compte duquel aussi je devins malade et mourus, et maintenant revenu à la vie. Le roi demeura tout étonné des paroles de son frère, d'autant plus que Thomas ne lui avait point bâti de château. Par quoi il lui expliqua ce qu'il voulait dire, qu'il avait été conduit par deux hommes qui lui avaient montré le château et décrivit de quelle grandeur il était, quels étaient les fenêtrages, de quelle beauté, comment était couchée la couverture, et que ces hommes lui avaient dit « Voilà la maison que Thomas l'apôtre de Jésus-Christ a construite à votre frère. » Le roi vint à savoir les bénéfices éternels qui lui étaient destinés et attribués pour lui-même. « Je ne peux te vendre ce palace, mais je te prie d'y aller habiter et devenir digne de faire partie de ses habitants. Si tu désires acheter un tel palace, voici l'homme est vivant, il te construira un meilleur que celui-ci. » Puis à grands pas s'en va vers la prison et fait relâcher l'apôtre, le priant affectionnément de lui vouloir pardonner l'offense qu'il avait commise contre lui, et lui dit « Je vous supplie comme un homme qui supplie le servant de Dieu, de prier pour moi et supplier celui dont vous êtes le servant de me pardonner et ne pas regarder ce que je vous ai fait ni même ce que j'avais l'intention de faire, afin que je sois digne d'être un habitant de cette maison pour laquelle vraiment je n'ai en rien travaillé, mais pour laquelle vous avez travaillé seul à la construire pour moi, la grâce de Dieu travaillant avec vous. Que je devienne moi aussi un servant et esclave de ce Dieu que vous annoncez. » Son frère tomba par terre devant l'apôtre et dit « Je vous implore et supplie devant Dieu que je devienne digne du service de ce ministère, que je sois assigné à devenir digne de ces choses que ces anges m'ont montrées. Je te confesse totalement Seigneur Jésus pour avoir révélé ta vérité à ces hommes. Car en toi seul est la vérité de Dieu, et non un autre. Tu es celui qui connaît toutes les choses cachées à beaucoup. Tu es le Seigneur qui montre en toutes choses compassion et miséricorde envers les hommes même s'ils t'ont négligé à cause de l'erreur qui est en eux. Mais tu ne les as pas négligés. » L'apôtre pria. « Je te supplie et te conjure maintenant, accepte ce roi et son frère et unis-les en ton sein. Purifie-les par ta purification de l'erreur qui les enfermait, oins-les par ton huile, protège-les contre les loups, conduis-les dans tes prés. Donne-leur à boire le nectar de ta fontaine qui jamais n'est boueuse, ni ne manque, car ils te supplient et te prient dans l'espoir de devenir tes disciples servants. Pour ta cause ils sont disposés à être persécutés par tes adversaires et se faire haïr d'eux, insulter et mourir, comme toi aussi à cause de nous tu as souffert toutes ces choses, pour nous gagner pour toi, Seigneur et bon berger véritablement. Agrée-les et qu'en toi seul leur aide et leur confiance soit placée, avec l'espérance d'obtenir de toi seul leur salut. Confirme-les dans tes mystères pour qu'ils reçoivent les bénéfices parfaits des dons de ta grâce, qu'ils fleurissent à te servir et portent fruit jusqu'à perfection dans le Père. » C'est ainsi que le roi Gonda Frégate, son frère, furent mis totalement à part par l'apôtre, et le suivirent sans revenir un instant en arrière. Il pourvoyait à ceux qui leur demandaient, donnant à tous, et les soulageant tous. Ils le supplièrent qu'il puisse aussi recevoir le sceau du baptême. Il baptisa aussi grand nombre du peuple, avec eux et après eux. Quand le roi et son frère sortirent de l'eau où ils avaient été baptisés, un jouvent vêtu de blanc, et tenant une grande lampe en sa main, vint dire « Père et vous frère !» Et soudain le perdit de vue. À la fin de son enseignement, il les mit en garde contre le service du ventre. Thomas les bénit puis il prit du pain, de l'huile, des herbes, et du sel, et leur donna à manger. Mais il continua son jeûne, car le jour du Seigneur était sur le point de se lever. La nuit suivante dans son sommeil, le Seigneur vint se tenir à sa tête et dit « Thomas, lève-toi et bénis-les tous. Après la prière et le service, prends la route de l'Est, à 3 kilomètres, là je te montrerai ma gloire. Beaucoup courront se réfugier vers moi parce que tu pars, tu repousseras la nature et pouvoir de l'adversaire. » À son lever, il pria avec eux puis il leur imposa ses mains et les bénit. Thomas sortait de la ville lorsqu'une femme tourmentée du diable vint en devant de lui. Quand il vit l'apôtre, il la jeta contre terre et dit « Pourquoi nous poursuis-tu, apôtre du Dieu très haut? Tu es venu devant le temps nous chasser de nos sièges. » L'apôtre lui dit « Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, je te commande de sortir d'être sans blesser son corps. » Et le diable sortit incontinent disant « Tu me chasses aujourd'hui de cette femme, j'en aurais bien trouvé une autre en laquelle j'entrerai. » Dès l'instant que le diable fut chassé, cette femme devint toute saine et se jeta aux pieds de l'apôtre, et requéra le signe du salut lui être donné. Il descendit à une fontaine qui était proche de ce lieu, laquelle il sanctifia, puis baptisa la femme avec plusieurs autres. Il bénit ensuite du pain, en donna à tous, et dit « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Comme tous prenaient de ce pain de grâce, un jeune homme vint et étendit sa main pour prendre du pain de bénédiction, mais son bras demeura court qu'il ne le pouvait porter jusqu'à sa bouche. L'apôtre lui dit « Tous ceux qui prennent de ce pain sont guéris. Mais toi, mon ami, qu'as-tu commis pour recevoir ce mal ?»« Avant-hier comme vous prêchiez, répondit le jeune homme tremblant, je vous entendis dire que les adultères n'ont point de part au royaume de Dieu. De retour chez moi, je trouvais ma femme couchée avec un autre homme, et incontinent je la battis de sorte qu'elle en est demeurée morte en ma maison. » L'apôtre fit apporter de l'eau en un nappe et lava les mains du jeune homme et le guérit. Puis lui dit de lui montrer le lieu où sa femme gisait morte. Quand l'apôtre la vit, il se prosterna, et fit cette prière. Mon Seigneur Jésus-Christ, qui de ta grâce m'a consenti promettre me donner tout ce que je demanderai. Je te prie de ressusciter cette morte, afin que par le miracle de sa résurrection plusieurs croient en toi et soient ressuscités à la vie éternelle. Il la prit alors par la main et la releva. Elle vit l'apôtre et se mit à genoux devant lui pour rendre grâce à Dieu. Plusieurs virent ce miracle, crurent en Dieu, et se firent baptiser par l'apôtre. Ils présentèrent de grands dons qui furent alors distribués aux pauvres. La popularité de ces miracles s'étendit dans toute la ville. Le peuple venait vers saint Thomas de plus en plus chaque jour en portant des malades qui étaient mis par les rues où devait passer l'apôtre qui les guérissait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces nouvelles vinrent jusqu'à la cour d'un roi appelé Médée. Un prince de la Sapor vint vers l'apôtre et lui dit « J'ai reconnu que vous êtes vrai médecin qui guérit pour vrai les malades sans prendre aucun salaire. J'ai ma femme et ma fille, lesquelles en revenant d'une noce ont été surprises par le diable, dont elles sont grandement tourmentées. Je vous supplie de les venir visiter et leur donner la bénédiction, car je suis assuré que vous pouvez les guérir au nom de votre Dieu. » L'apôtre prit compassion de lui et dit ainsi « Si vous croyez, votre femme et votre fille seront guéries. » « Si je n'eus cru, répondit le prince, je ne fus pas venu vers vous. » L'apôtre appela ainsi un disciple, celui qui auparavant avait été le roi Gondafre de la première ville des Indes où l'apôtre avait été invité aux noces, et lui demanda de faire assembler tous les fidèles. « Mes amis, leur dit-il, il faut maintenant que je vous quitte. Je vous prie de demeurer fermés constants dans la foi et d'observer ce que vous avez appris de moi. » Aimez notre Seigneur Jésus-Christ par lequel vous êtes reine au baptême. Je vous laisserai ce disciple, car vous ne me reverrez pas. » Levant ses mains, il leur donna la bénédiction en disant « Seigneur, sois la garde et la défense de ce troupeau qui est tien, lequel tu as daigné assembler par moi afin qu'aucun ne retombe, qu'aucun ne retourne après le diable, mais que défendu par ta vertu tous puissent acquérir la vie éternelle et régner avec toi à jamais avec le Père et l'Esprit, auquel est honneur et gloire au siècle des siècles. » Quand tous eurent répondu, « Amen », le saint apôtre les embrassa et leur disant adieu. Il monta en un chariot avec le prince de la cour du roi Médée et s'en alla avec lui. Le peuple pleura fort pour son départ et demeura fâché de son absence. Comme saint Thomas approchait de la maison du prince, l'esprit malin se prit à tourmenter les deux femmes et cet esprit dit à l'apôtre, « Pourquoi nous poursuis-tu Thomas, apôtre de Dieu vivant? Tu nous as déjà chassés de l'autre partie des Indes, et il n'y a aucun lieu auquel nous puissions fuir devant ta face. » L'apôtre sut que le diable qui parlait était le même qu'il avait chassé d'une femme aux secondes Indes. Il leur dit ainsi, « Au nom de Jésus-Christ, fils du Dieu vivant que j'annonce, Sortez et retirez-vous en pays désert, et ne tourmentez plus les humains. » Soudain les diables sortirent des corps des deux femmes qui tombèrent comme mortes. L'apôtre les prit par les mains et les leva, et ayant béni du pain leur en donna à manger. Thomas prêcha par toutes les Indes pour annoncer Jésus-Christ. Il imprima la foi au cœur des barbares par des paroles et des actes. Et partant, lui qui auparavant avait été si dur à croire qu'il avait dit qu'il ne croirait pas s'il ne voyait les ouvertures où les clous avaient été fichés, assemblait un peuple infini qui crut en Dieu. Assurément que par la providence de notre Seigneur, il s'enquit si diligemment de la résurrection et rendu mieux instruit afin que par lui la foi soit plantée en des gens durs et si sauvages pour confirmer par foi et par raison ceux qui doutaient. Il trouva donc pareillement en Inde des hommes et des femmes qui reçurent la parole de Dieu dont il en guérissait plusieurs chaque jour. Or advint qu'une femme du pays, appelée Midouane, maria un homme nommé Charisi qui était proche parent du roi Médée, ayant entendu parler des miracles de l'apôtre, vint vers lui mais ne pouvait l'approcher à cause de la grande multitude des peuples. Pour cela, ces gens frappaient à tort et à travers et poussaient pour lui faire passage, mais l'apôtre leur défendit de faire ainsi et lui fait faire place, par quoi elle se jeta aux pieds de Thomas et dit « Apôtre du Dieu vivant, prends pitié de nous qui sommes comme des bêtes qui n'ont aucun sens de jugement. Écoutez ma fille, il ne faut pas vous fier aux richesses que vous possédez mais vous faut plutôt les vendre et distribuer aux pauvres afin qu'à fuir cette vie passagère vous acquérez l'éternel. Laissez vos idoles sourdes muettes, reconnaissez le Dieu vivant. » Il leur instruit la foi jusque sur le soir et ayant reçu le signe de la croix, elle retourna en sa maison. Sitôt qu'elle fut entrée, elle monta une chambre en pleurant amèrement et pria notre Seigneur qu'il lui plût lui pardonner ses offenses. Elle demeura en cet état jusqu'à ce que son mari vint, lequel sut de ses gens qu'elle était en sa chambre si dolente, monta en haut et lui dit « Pourquoi vous fâchez ainsi, en quelle occasion êtes-vous en larmes ? Vous avez été voir cet enchanteur et avez entendu de lui quelques sottes paroles qui ne servent à rien. Laissez toutes ces folles pensées soupons ensemble. Je vous prie de m'excuser pour cette nuit, car je ne boirai pas, ni mangerai, ni coucherai en votre lit, lui dit-elle. Partant, il la laissa et soupa avec ses amis. Le lendemain Charisi retourna vers elle et dit « Écoutez mon songe Midouane. Il m'était ainsi que j'étais à table avec le roi Médée, un aigle vint ravir deux oiseaux dans un plat puis s'envola, et Drochet vint en ravir deux autres et les porta à son nid. Voyant cela, le roi lâcha un coup de trait après l'aigle et le perça tout outre mais ne lui méfait en rien. Votre parole est bien bonne, et le songe que vous avez eu, lui dit sa femme. Son mari s'en retourna au château, et pendant qu'il y fut, elle alla voir Thomas et le trouva qui instruisait le peuple. Elle se jeta à ses pieds et lui dit « J'ai entendu votre prédication et je garde purement en mon cœur tout ce que j'ai reçu par mes oreilles. » Elle retourna chez elle la nuit venue et ne mangea point, ni ne coucha avec son mari. Son mari Charisi, bien fâché de l'avoir séparé de lui, prit de méchants habits dès le matin et s'en alla se présenter au roi. Le voyant en tel état, lui demande pour quelle cause il avait pris ses vieux habits déchirés. « Parce que j'ai perdu ma femme, par le moyen d'un enchanteur que sa porte nous a amené en ce pays pour le perdre, » dit-il. Le roi commanda qu'on fît venir sa porte. Ceux qui furent envoyés l'appelaient le trouvèrent assis près de l'apôtre à écouter la parole de Dieu, et Midouane à leurs pieds. Les gens du roi s'adressèrent à sa porte, disant « Comment ? Le roi est fort courroucé contre vous, et vous vous amusez ici à écouter des contes ? Il vous commande de venir parler à sa majesté. » Se levant donc, supplia l'apôtre de faire prière et oraison pour lui. L'apôtre dit « N'ayez pas peur. Espérez en Dieu qui sera à notre aide et ne craindre aucun mortel qui puisse nous nuire. » Sa porte alla, et le roi lui dit « Qui est cet enchanteur que vous avez appelé à votre maison, qui trouble tout ce royaume et tout notre peuple ? Sœur, dit sa porte, vous avez peu su la fâcherie ici devant que j'ai eue pour la maladie de ma femme et ma fille unique, toutes deux tourmentées du diable furent guéries par lui. Encore aujourd'hui plusieurs malades sont guéris par ses mains et il obtient tout ce qu'il demande à Dieu. Le roi commanda qu'on lui amène l'apôtre, mais ceux que le roi avait envoyés ne purent approcher de l'apôtre par la multitude du peuple alentour de lui. En grande furie, Carésia rompit la presse pour s'approcher de lui et dit « Lève-toi sorcier, viens te présenter devant la majesté du roi, car toute ta magie ne vaut rien. » Il lui mit la corde au col et le traîna au château, disant « Vienne maintenant ton Christ et qu'il te retire de mes mains. » Étant ainsi traîné, il fut devant le roi qui lui fit ses interrogatoires. « De quel lignage es-tu? Quel est ton pays? Au nom de qui fais-tu ces signes et merveilles? Mon Dieu est aussi votre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est compris, lequel seul doit être adoré, non des idoles sourdes et muettes. » Courroucé de cette réponse, le roi lui fit bailler la torture, et après le battre de verges, le fit mener en prison. Quand il y descendit, il remercia Dieu de ce qu'il avait été si médigne d'endurer cette peine pour son nom. Car il y retourna à sa maison se disait, « Ma femme couchera maintenant avec moi puisque j'ai retiré le magicien du milieu de ce peuple. » Mais rentré chez lui, il la trouva couchée par terre, ses cheveux coupés. Il dit, « Ma femme m'a mis, quelle folie vous a transporté et vous incita à faire ce méfait? Le magicien aurait-il plus d'autorité sur vous que moi? Ne voyez-vous pas que je suis révéré par toute la contrée, que le roi ne fait rien sinon ce que je veux? De plus, vous savez assez quelle richesse je possède. Toutes ces choses-là sont terriennes et retourneront en terre. Mais celui-là qui se pourra conjoindre à la vie éternelle sera heureux, lui répondit-elle. Entendant sa réponse, Carésie se coucha en son lit. Alors Midoine prit or et argent pour donner aux geôliers et aux gardes des prisons comme moyen d'entrée, elle embrassa les pieds de l'apôtre et écouta la parole de notre Seigneur. Quand elle revint à sa maison, tandis que son mari était au château, elle resta sans cesse couchée par terre avec d'abondantes larmes, priant Dieu de vouloir pardonner son ignorance pour qu'elle obtînt le salut perpétuel. Sa nourrice eut pitié d'elle, ne pouvant plus se contenir qu'elle se parle ainsi, et dit « Quelle méchante opinion avez-vous conçue en votre esprit de vouloir laisser votre mari qui vous est tant honoré, pour vous affliger en jeûne et veille, séduite par la parole d'un seul magicien ?»« Ce n'est pas une méchante opinion, répondit Midoine, mais une entière et parfaite raison que l'homme reconnaisse son Créateur et s'efforce d'acquérir la vie éternelle. » Plaise à Dieu d'avoir la connaissance de Jésus-Christ pour vous et de vous faire participante de nos travaux. Si je peux connaître qu'il y ait quelque raison, je vous suivrai, dit la nourrice. Les dieux que j'ai adorés jusqu'ici ne sont rien, mais le vrai Dieu est en Jésus-Christ, pour lequel le monde a été fait. Lequel s'est fait homme, est mort, et enseveli pour acheter l'homme qu'il avait créé de terre. Lequel est descendu au Sheol d'où il a ramené ce qui était détenu par une très méchante mort. Et revenu de là, nous a montré la résurrection que nous devions ressusciter, puis est monté aux cieux où il est assis à la dextre de Dieu son Père Tout-Puissant, et maintenant distribue les dons célestes à ceux qui croient en lui, auxquels le temps n'a point de fin, auxquels la liesse joie ne cesse jamais, auxquels la lumière ne s'éteint jamais. À lui le règne avec le Père et l'Esprit maintenant et à tous les siècles. Par cette exhortation de Midoine, sa nourrice Narchi crut dans l'heure en notre Seigneur et toutes deux ensemble allèrent en prison, trouvant moyen par argent d'entrer et entendre la parole de Dieu par l'apôtre grandement joyeux de la foi de Midoine, d'autant même que par elle plusieurs se convertirent à notre Seigneur. Toutes deux prièrent l'apôtre de bien vouloir leur donner le baptême. Par quoi il dit à Midoine « Allez à votre maison, tenez prêt ce qui est nécessaire, j'irai vous baptiser. » Comme ces deux femmes s'en allaient, l'apôtre les suivit jusqu'à la maison de Midoine, où il la baptisa avec sa nourrice et plusieurs autres. Puis il retourna à la prison, la porte de laquelle se referma. Carésie continuait la fâcherie qu'il avait pour la conversion de sa femme. Le roi eut pitié et envoya sa femme la reine et avec elle son fils Zuzan pour consoler sa cousine Midoine et la retirer de cette voie en la persuadant de faire compagnie de femme à son mari comme ce devant. La reine entra chez Midoine et dit « Mamie ma sœur, pourquoi êtes-vous si abusée de ce magicien qui annonce au peuple un nouveau Dieu? Retirez-vous de cette mauvaise pensée et réjouissez-vous en votre maison avec le mari que vos parents vous ont donné, veuillez ne délaisser les dieux du pays de peur qu'ils ne se fâchent contre vous. J'ai été abusé jusqu'ici suivant les idoles, de choses vaines qui ne peuvent ni marcher, ni parler, et sans aucun pouvoir, n'ayant pas connaissance de la parole du vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui est enclos, répondit Midouane. Même les métaux, le bois et les pierres, desquels vos dieux sont forgés et taillés, ont été créés par sa seule parole, duquel nous sommes aussi les créatures. Est-il raisonnable, ma chère sœur, de délaisser un tel ouvrier pour que nous adorions son ouvrage et la créature qui nous a été baillée pour nous servir? Midouane voulut passer plus mésusant, fils du roi interrompit son discours, disant: qui est-ce qui a créé tout ce que nous voyons sinon nos dieux? Tout cela dont vous parlez, mon fils, dit Midouane en souriant, sont damnés en enfer, d'autant qu'ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Et pour preuve de cela, ayez recours aux vieilles fables, vous trouverez là que tous ont été adonnés à l'impudicité et ont commis des fautes telles que celles que les juges aujourd'hui poursuivent et punissent les méchants. Ils sont morts et ne vivent plus. Mais notre Dieu demeure à jamais et quiconque croit en lui, il le fera porter de cette mort temporelle à une vie éternelle. De ces paroles et autres semblables que tint Midouane, la reine s'émut et dit à son fils: de bon droit ma sœur a laissé son mari et ses richesses terriennes pour avoir la vie éternelle. Ma volonté est que nous puissions voir cet homme qui nous donnera à connaître la vérité. Midouane s'en alla toute joyeuse vers l'apôtre et fit récit de tout ce qui s'était passé entre eux, ce dont il fut bien réjoui. Il leur annonça la parole de notre Seigneur, et imposa sa main sur eux et leur donna la bénédiction. Et depuis la reine ne voulut plus retourner avec le roi, et le jeune prince ne donna aucune réponse à son père de ce qu'il l'avait chargé. Alors averti que sa femme et son fils s'étaient convertis, courroucés outre mesure, le remède commanda qu'on les fasse venir. Et après s'être efforcé de les retirer de cette voie et qu'il eut connu qu'il travaillait en vain, il fit enfermer la reine en un lieu fort obscur et fit lier son fils en prison avec l'apôtre. Carisi, de l'autre côté, enferma sa femme et sa nourrice Narchi en un cabinet obscur. Tôt après, le roi commanda qu'on lui amène l'apôtre les mains liées par derrière, et lui parla de cette manière: qui est ton Dieu? Celui qui par toi nous sépare nos femmes? Vous qui êtes roi, ne voulez-vous pas avoir des serviteurs honnêtes et non point sales et orduriers? Si donc, vous qui êtes seulement homme, voulez avoir des serviteurs honnêtes et de nettes servantes, combien davantage devez-vous croire que Dieu aime les serviteurs nets et chastes? Si je prêche ce que Dieu aime et requiert en ses serviteurs comme vous autres, pourquoi suis-je repris? J'avais permis ma femme de retirer Midouane, sa cousine, du précipice où elle était, mais tu l'as fait tomber au même précipice, dit le roi. Il n'est pas de précipice à reculer la chasteté, mais tomber dans la luxure. Celui qui se retire de la luxure pour approcher la chasteté passe du précipice au salut, des ténèbres à la clarté. Mais comment, dit le roi Médée, as-tu si fort aliéné leurs esprits de notre lien de mariage? Au moins, fais que par le même moyen elles reviennent et qu'elles soient nos femmes comme ceux devant. Thomas fait répondre au roi qu'il perdait temps et s'abusait de lui faire cet ordre. En quoi je m'abuse par cet ordre qui est mien? J'ai fait une tour bien haute, et vous me demandez à moi qui suis l'ouvrier d'en abattre le sommet? J'ai creusé la terre et tiré une fontaine du profond, et vous demandez que je la bouche? Je leur dirai plutôt les paroles de mon Seigneur Jésus-Christ, que quiconque aime son père ou sa mère, ses enfants ou sa femme plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. Vous êtes roi temporel seulement, qui punissez temporellement si on n'exécute pas votre vouloir. Mais Dieu est un roi éternel, qui punit éternellement si on méprise son vouloir. Vous ne sauriez faire mourir l'âme même après avoir fait mourir le corps, mais le vrai Dieu peut envoyer l'âme et le corps dans le feu éternel. Carisi dit au roi: sœur, cet enchanteur nous fera tomber en danger plus vous tardez à le faire mourir. Le roi commanda qu'on fît chauffer toute rouge des barres de fer et qu'on déchausse l'apôtre, afin qu'étant nu pied là-dessus il mourût de douleur. Mais il sortit grande quantité d'eau qui éteint l'ardeur de ses barres avant que l'apôtre fût mis au supplice. L'apôtre dit au roi: le Seigneur a fait cela à cause de vous, que par ce moyen vous puissiez croire, car le Seigneur me donne la patience de ne pas craindre votre feu, même sans eau. Sœur, dit Carisi, faites-le jeter dans le fourneau des étuves. Ce que le roi fit. Mais les étuves ne pouvaient s'échauffer, pas même te dire seulement et l'apôtre sortit sain et sauf. Le lendemain Carisi, n'étant pas encore assouvi par les tourments de l'apôtre, dit au roi. Il vous faut le faire sacrifier au soleil notre Dieu, afin qu'il encourt le courroux de son Dieu, qui délivre des peines qu'on lui donne. Quand il fut dans le temple, on voulut le contraindre de sacrifier à l'idole du soleil, mais il se prit à rire et dit au roi. Je vous prie sœur, dites-moi qui vous estimez plus, vous ou votre portrait? Je ne doute pas que vous êtes plus excellent que votre portrait, alors comment se peut-il que vous laissiez votre Dieu derrière et que vous adoriez son image? Dans cette statue du soleil Fendor, était dedans un chariot à 4 chevaux en or, qui avait les bridelages comme s'ils eurent voulu prendre carrière vers les cieux. On força l'apôtre d'adorer cette idole, mais il se tourna vers le roi et dit. Vous vous trompez sœur si vous estimez que j'encours le courroux de mon Dieu en faisant la révérence vôtre comme dit Carisi. Davantage, je veux bien dire qu'il se fâchera contre le vôtre en le jetant par terre sitôt que je l'aurai salué. Comment est-ce possible que ton Dieu, qui a été mis à mort par les Juifs, dit le roi, fasse tomber le soleil invincible? Voulez-vous en avoir l'expérience? Non, non, dit Carisi. Il cherche des excuses pour s'exempter d'adorer le soleil et lui sacrifier. Or bien je le saluerai, dit au chef l'apôtre. Et si mon Dieu ne le jette en bas, je lui sacrifierai. Après avoir prêté ce consentement, le roi et Carisi lui firent pénétrer le temple, dansant et chantant à leur mode. Étaient là des filles qui jouaient la harpe, d'autres des flûtes, d'autres du tabourin, les autres portaient des encensoirs. Alors l'apôtre dit à l'idole. Je m'adresse à toi esprit malin, qui a fait ta résidence dans cette effigie, qui donne réponse aux hommes sots et abusés, qui regardent cette idole. Je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ mon Seigneur, que les Juifs ont mis en croix, sors et viens devant moi pour que je te voie et faire ce que je t'ordonnerai. Le démon sortit se présenter devant l'apôtre. Mais personne d'autre que lui ne le voyait. Il lui dit. J'adore mon Seigneur Jésus-Christ, du cœur et de la pensée. Dès que je mettrai les genoux à terre en te commandant de casser cette idole, je prierai mon Seigneur d'envoyer son ange pour te chasser et t'envoyer aux abîmes. Apôtre de Dieu, je vous supplie de ne m'envoyer dans la géhenne, mais permettez-moi de faire mourir tous ces hommes, répondit le démon. Je te défends d'offenser personne de cette compagnie, mais seulement cette idole que je te commande de mettre en pièces dès que j'aurai fléchi les genoux. L'apôtre parla au démon en langue hébraïque et aucun n'entendit ce qu'il disait, ni à qui il parlait. Puis il dit au roi. Sire, votre idole n'est point invincible. Apprenez ici qui est mon Dieu, que vous dites être un homme mis à mort par les Juifs. Par l'invocation à mon Seigneur, je vous promets que si votre idole est si fort et puissant que je ne le peux rompre, j'adorerai le démon qui habite en lui et lui ferai aussi sacrifice. Mais au contraire, s'il est vaincu et mis en pièces, il est raisonnable pour vous de délaisser cette erreur et suivre la vérité. Encore es-tu bien hardi de te comparer à moi et vouloir m'astreindre à tes conditions, lui dit le roi. Si tu tardes plus à adorer le soleil et sacrifier, je te ferai couper les artères. J'adore mais non pas cette effigie, j'adore mais non pas ce métal, j'adore mais non pas cette idole, j'adore mon Dieu et mon Seigneur Jésus-Christ, dans le nom duquel je te commande des mots cachés dedans de briser ce métal et ce simulacre, sans faire de mal à personne. Et soudainement l'idole se fendit et l'or coula en bas, fondant comme la cire près du feu. Les prêtres étonnés de ce fait se mirent à crier, tandis que le roi s'enfuit avec Carisi. Le grand prêtre se prit à frapper l'apôtre, en raison de quoi s'éleva une grande émeute parmi le peuple, la plupart étant du côté de l'apôtre. Le remède envoya en prison l'apôtre, son fils Zuzan, et plusieurs autres, d'où l'apôtre ne cessa de confirmer les fidèles. Croyez en Dieu que je vous annonce. Croyez en Jésus que je vous annonce. Il est la garde et l'assurance de ses servants, le repos de ceux qui sont tourmentés, en qui mon âme se réjouit. D'autant que j'ai parfait mon âge, je suis grandement désireux de le voir. Lui dont la beauté m'exalte à dire qui il est, lui dont la grandeur surpasse tant mon jugement et mon esprit que je ne puis comprendre et moins expliquer ce que je veux dire de lui. Mais toi Seigneur qui as coutume à combler les âmes pauvres, Remplis ce qui me fait défaut et ne me laisse point jusqu'à ce que j'aille vers toi et que je te voie. » Susan entendit cela, pensa que l'apôtre disait avoir parfait son temps et bientôt laisser ce monde, désira qu'avant qu'il mourût, il puisse bénéficier de lui quelques remèdes pour sa femme Manazar, qui était fort débile et faible des membres, pria l'apôtre qu'il lui fût permis d'aller la voir. Ayant gagné les gardes, fit promesse avec serment de retourner, s'en alla à sa maison avec l'apôtre. Il pria aussi que le ministère du disciple lui fût donné avec la bénédiction lévitique, parce qu'il voulait se dédier à Dieu et l'avait délibéré longtemps auparavant. Il avait été contraint par son père de prendre femme à l'âge de 20 ans, avec laquelle il avait été 3 ans sans avoir aucun enfant d'elle et n'avait eu compagnie d'autre femme qu'elle. Davantage, il y avait longtemps qu'il ne l'avait touchée parce qu'elle voulait garder chasteté et désirait fort entendre le sermon de Thomas, mais ne pouvait venir vers lui par sa trop grande faiblesse. Et si l'apôtre voulait la guérir, il bénéficierait bien la permission de sortir. Auquel Thomas répondit : Vous verrez les miracles de Dieu si vous croyez et quel soin il prend de ses servants. Pendant qu'il parlait, la reine qui s'appelait Trepsi, ainsi que Midouane, la femme de Carésie qui était bien fort aimée du roi, et sa nourrice Narchi, avaient donné 360 écus au geôlier pour entrer dans la prison où était l'apôtre. Elles trouvèrent là si fort le lieutenant général du roi sur son armée, avec sa femme et sa fille, ainsi que Susan avec quelques autres qui étaient fort attentifs d'entendre la prédication de l'Évangile. Thomas demanda aux 3 femmes qui venaient d'arriver par la permission de qui elles étaient entrées et qui leur avait ouvert les portes de la prison, comment aussi elles avaient pu sortir du lieu où elles étaient enfermées. Ne nous avez-vous pas vous-même ouvert les portes en nous disant : Sortez et allez recevoir les frères qui sont en prison, Dieu n'a-t-il pas démontré sa gloire envers vous ? Et comme nous approchions de la porte, nous ne vous avons plus vu, dit la reine. Nous avons entendu au bruit de la porte que vous étiez partis devant. Par quoi nous avons gagné le geôlier par argent afin d'entrer ici pour pouvoir bénéficier d'une chose dont nous vous prions affectionnément, c'est que vous vous retiriez en quelque lieu en attendant que le courroux du roi soit apaisé. Thomas demanda à la reine Trepsi comment elle avait été enfermée son mari par le roi, pour quelle occasion il s'était si fort colère pour n'avoir pardonné même à sa femme. La reine lui répondit : Me demandez-vous comment j'ai été enfermée ? Alors que jamais vous ne m'avez délaissé, ni n'avez été une seule heure absent de moi, ce par quoi je m'ébahis que ne savez pas pourquoi j'ai été emprisonné. Or si vous le voulez savoir, écoutez. Le remède envoya vers moi avec ordre d'aller lui parler, disant ainsi : Le magicien n'a pas encore entière puissance sur vous, d'autant qu'il n'a encore usé envers vous ces enchantements que j'ai entendu qu'il fait avec de l'huile, du pain et de l'eau. Obéissez à mon vouloir autrement je vous ferai emprisonner comme lui. Ainsi, parce que je ne lui voulais pas obéir et lui dis qu'il était en lui de faire ce qu'il lui plaira, qu'il avait bien puissance sur mon corps mais je n'endurerais pas que mon âme périt avec lui. Il me fit enfermer en un lieu fort obscur. D'autre part, Carésie lui-même se déclara accusateur de sa femme Midouane et sa nourrice Narchi, et les fit enfermer pareillement. C'est par vous que nous avons été mises en dehors pour venir ici où nous attendons d'avoir de vous grâce de bénédiction. L'apôtre reconnut les bienfaits de celui qui souvent fois prend la forme de l'homme pour consoler ceux qui sont fâchés et soulager les tristesses des affligés. Il rendit grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il avait confirmé celles qui n'étaient encore fermes dans la foi, avait assuré celles qui doutaient encore, et donna espérance à ceux qui pourraient se méfier de sa grâce. Pendant que ces prisonniers se parlaient en prison, les gardes vinrent leur faire éteindre les chandelles, de peur qu'on sache qu'ils étaient ensemble et qu'on les découvrit au roi. Chandelles éteintes, les gardes reprirent leur place pour faire bon guet. Mais voyant que tout s'était enveloppé de ténèbres, Thomas demanda la clarté à notre Seigneur. Seigneur, donne-nous lumière. Parce que les fils des ténèbres nous ont mis en ces lieux obscurs. Seigneur, donne à tes servantes ta clarté que personne ne peut éteindre, dit-il. Soudain une grande lumière apparut par toute la prison et tous ceux étant aussi en ce lieu pour autre cause furent réveillés. Les servants de Dieu ne surdormirent, pour lesquels Jésus-Christ éveillé ainsi et ne permit pas pour nous d'être abattus de sommeil, lui qui dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Jésus-Christ t'éclaire. Après donc avoir parlé de nombreuses choses, Thomas dit à Susan. Allez nous préparer ce qui est de besoin pour le ministère. Susan demanda comment il pourrait sortir, vu que les portes étaient closes et les gardes veillés. Thomas lui dit, ayez confiance en Jésus-Christ. Allez, vous trouverez toutes les portes ouvertes. Alors il sortit, et tous les autres le suivirent. Arrivé à mi-chemin, Mazar, la femme de Susan, le rencontra comme elle se rendait à la prison. Il s'enquit où elle allait ainsi de nuit et comment pouvait-elle cheminer ainsi, puisqu'elle ne se pouvait soutenir. Elle lui répondit. C'est l'enfant du Seigneur qui m'a guéri après avoir mis la main sur moi seulement. Et il m'a été recommandé par un songe d'aller vers cet étranger détenu en prison. Pour ce je vais vers lui afin que suivant mon songe je reçoive parfaite guérison. Susan demanda à sa femme qui était l'enfant qui avait été avec elle. Manasar répondit. Comment? Ne le voyez-vous pas qui me tient le bras droit pour me soutenir? Pendant qu'il parlait, Thomas arriva accompagné de Siphora le lieutenant général, de sa femme, sa fille, la reine Trepsi, Midouane et Narchi, pour aller ensemble à la maison de Susan. Apercevant l'apôtre, Manasa se jeta à ses pieds, disant « Il est venu le médecin qui me guérira de tous mes maux. Je vous ai vu cette nuit qui me donna cet enfant pour me conduire à la prison. Et bien que ce fût à moi aller vers vous, toutefois par une bonté singulière, n'avez voulu permettre que je souffre plus longtemps, et pour ce être venu vers moi. » Elle se retourna pour chercher l'enfant qui avait disparu et ne put plus le voir combien il fut aisé de le voir auparavant. « Je ne vois plus l'enfant que vous m'aviez donné. Je ne saurais cheminer seul, » dit-elle. « Déjà Jésus-Christ a cheminé avec vous, et désormais vous servira de guide et de compagnie, » lui dit l'apôtre. Elle courait devant tous les autres, s'en alla à grande hâte à sa maison en laquelle, après que l'apôtre et les autres furent arrivés, reluit soudainement une grande clarté par toute la maison. Et Thomas fit cette prière. Toi Seigneur qui as le soulagement des infirmes et des malades, l'assurance des pauvres, le refuge et repos des travailleurs, la consolation des affligés, le port de salut de ceux qui voguent, la résurrection des morts, la rédemption des pécheurs, et qui finalement pour l'amour de nous a enduré la cruelle passion du corps. Toi qui as pénétré le manoir de la mort et même la géhenne, afin que fussions délivrés des chemins de la mort, les princes de la mort furent surpris de te voir approcher de sang pour avoir te retenir quand tu en es sorti, et davantage ont pleuré de se voir dépouiller des possessions qu'ils avaient de longtemps. C'est toi qui les dépossédas et saisis ces trophées remontés en haut. Nous t'honorons donc Seigneur de bon droit, toi qui es venu de cette parfaite substance paternelle afin que nous sentions les entrailles de ta miséricorde. Toi le ministre de tes servants, enrichisseur de ton héritage, pauvre mais non pas nécessiteux, riche mais ne fâchant point le pauvre, toi qui as jeûné par 40 jours pour rassasier les âmes des affamés de l'éternelle nourriture de ta bénédiction. Seigneur, je te prie, sois avec tes servants Susan et Manasar, pareillement avec Trepsi. Veuille les mener à ton troupeau, les mettant au nombre des tiens et les secourir en ce monde de peur qu'ils ne tombent en faute. Sois Seigneur en cet héritage, médecin des langoureux, repos du travail, soutien en choses mal assurées. Sois au secours des corps et vie des âmes, afin qu'ils soient les temples de ta miséricorde et qu'en eux l'esprit fasse sa demeure. Cette bénédiction dite, il prit le sacrement et rendit grâce à Dieu. Ce tien sacrum Seigneur Jésus, nous est profitable pour la vie, en rémission des péchés, par quoi ta passion est célébrée en nous. Toi qui as bu pour nous le fiel, pour que toute l'amertume de l'ennemi mourût en nous. Toi qui as bu pour nous aussi le vinaigre, pour que notre lassitude se renforce. Toi qui as reçu pour nous les crachats, pour nous laver de rosée immortelle. Toi qui as été frappé d'un frêle roseau, pour garantir notre fragilité à une vie perpétuelle éternelle. Toi qui as été couronné d'épines, pour couronner ceux qui croient en toi du verdoyant laurier de charité. Davantage, tu as été couvert d'un linge, pour nous recouvrir de ta vertu. Toi qui as voulu être mis en un tombeau neuf, pour nous rebâtir de nouveau la grâce d'un monde nouveau. Après avoir dit cela, Thomas distribua le sacrement à tous ceux que nous avons nommés ci-dessus et il dit. Ce sacrement nous est profitable pour la vie éternelle par les entrailles de miséricorde et grâce du salut, pour le salut nos âmes. Comme ils répondaient tous, Amen, fut entendue une voix disant « Amen ». Sitôt qu'ils eurent entendu cette voix, ils tombèrent et étaient tous face à terre. Dorechef fut entendu et dit « N'ayez pas peur, croyez seulement ». À l'heure, chacun s'en retourna, à savoir Thomas à sa prison, Trepsi, Midouane et Narchi, au lieu auquel elles avaient été enfermées, mais avant que partir, l'apôtre parla ainsi à eux. Écoutez le dernier propos que vous aurez de moi, car je ne serai pas encore longtemps dans cette chair, je suis appelé vers mon Seigneur Jésus, vers celui qui m'a racheté, vers celui qui s'est humilié et fait le plus petit pour nous élever tous jusqu'au moindre, en qui j'ai appris d'espérer. Et s'il a daigné moi indigne m'appeler à la charge qu'il m'a donnée plus tôt, combien puis-je espérer récompense si j'ai servi en vérité? Il sait bien salarié à chacun selon qu'il a mérité, car il est bon et juste, riche en présent, libéral en grâce, jamais chiche en bienfait, et à moi-même infirme il a fait de grandes grâces, outre mon mérite. Il est l'auteur des miracles qu'il vous a procurés et que vous devez louanger. Ce fait par moi ne sont pas venus de ma puissance ou vertu, mais je les ai obtenus au nom de Jésus-Christ, non commandé, car je ne suis pas le Christ, mais un bien petit servant de Jésus-Christ, non plus un arbitre, mais un disciple envoyé par lui. Et partant, le cours de ma vie étant parfait, lorsque vous verrez que les hommes auront puissance sur moi et seront mis au supplice, je vous recommande que votre foi ne soit pour autant diminuée, car en cela j'accomplirai la volonté de mon Seigneur, et la raison veut m'apprêter à exécuter ce que mon Seigneur me commande. Car s'il a reçu la mort pour nous, à plus forte raison ne devons-nous pas craindre la mort de ce corps, comme il lui plaît. Considérez même que cette mort n'est pas proprement mort mais seulement une séparation du corps et de l'esprit, et pourtant je ne demande point que la mort me soit différée. Vous savez bien qu'il est en moi de la différer si je veux, mais je requiers plutôt de mourir afin que j'aille voir ce doux et si miséricordieux Seigneur, lequel maître libéral me donnera salaire des peines des travaux que j'ai endurés. Après avoir parlé, tous se retirèrent en leur prison, et quand l'apôtre Thomas fut en sa prison, il dit « Mon Seigneur Jésus qui a tant souffert pour nous, je te prie de faire refermer les portes comme elles étaient fermées et que les sceaux qui étaient apposés se remettent dans l'état qu'ils étaient. » L'apôtre ayant laissé les autres, resta donc en la prison. Les femmes ne pouvaient se retenir de pleurer, sachant que le roi Médée ne se retiendrait jamais de le faire mourir. Cependant, lorsque saint Thomas s'était approché du lieu pour y être prisonnier, il trouvait les gardes qui débattent entre eux et disputant. Et, d'où vient cet enchanteur qui a volontiers ouvert les portes de la prison parce qu'il voulait faire sortir les autres avec lui? Or, afin qu'il ne nous échappe plus par ses charmes et que les autres ne sortent avec lui, allons faire un récit au roi, pareillement de la reine et du prince Susan. Thomas écouta tous ces propos, toutefois ne disait mot. Le lendemain de grand matin ils s'en allèrent au roi, requérant que le magicien leur fût ôté et qu'on perdait temps de l'enfermer puisqu'il ouvrait tous lieux clos par enchantement. De plus ils dirent que les portes de la prison avaient été ouvertes et remises comme ils avaient connu, et que la reine avait été le voir avec quelques autres qui l'accompagnaient sans cesse. Entendant ces nouvelles, le roi envoya voir les sceaux qu'il avait fait attacher aux serrures des portes, lesquels on trouva aussi entiers comme quand ils y avaient été mis. Le roi courut se dit aux gardes qu'il s'abusait de dire que Trepsi et Midouane étaient entrés en la prison, vu que les sceaux n'avaient point été décachetés. Il soutenait toujours qu'il n'avait rapporté que la vérité. Le roi Médée entra en sa chambre et commanda qu'on amenât l'apôtre. Il demanda qui il était, libre ou de serve condition. L'apôtre Thomas répondit « Je suis serf du seul et unique, sur lequel vous n'avez aucune puissance. » Médée lui demanda encore pourquoi il était venu en ce pays et l'apôtre répondit « Pour sauver plusieurs personnes. » Et aussi que cela lui était dû qu'il devait sortir de là par les mains de Médée. Alors le roi l'interrogea. Qui était son maître, quel était son nom, et de quel pays il était? À quoi Thomas dit « Mon maître est votre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. Vous ne pouvez entendre son nom, mais celui qu'il a donné en ce monde est Jésus-Christ. » Le roi le menaça afin, disait-il, de purger tout le pays, vu que ses méfaits lui seraient remis que s'il obéissait à son vouloir. L'apôtre lui répondit. Ces méfaits s'en iront avec moi, mais soyez assurés qu'ils ne feront pas défaut ici. » Dès lors le roi chercha les moyens de faire mourir Thomas, car il craignait le peuple. D'autant que plusieurs des plus apparents croyaient en Jésus-Christ et avaient les œuvres de l'apôtre en grande admiration. Par quoi, pensant d'user de finesse, il sortit de la ville avec saint Thomas, accompagné d'hommes en armes. Le peuple estima qu'il sortit au champ voir quelques miracles de l'apôtre. Tous le regardèrent passer, pensant qu'il voulut apprendre quelque chose de l'apôtre, que d'autre part l'apôtre voulut lui montrer. Mais sorti hors la ville d'environ un quart de lieue, le roi le mit entre les mains des quatre hommes d'armes et d'un autre plus grand seigneur, leur commandant de le mener à la prochaine montagne pour le tuer. Cet ordre dit, le roi retourna en ville. Averti de cela, le peuple sortit de la ville, voulant secourir l'apôtre. Ses hommes d'armes l'emmenèrent au lieu de sa passion et il recommanda aux fidèles de garder foi en Jésus-Christ et d'observer les œuvres de charité et de miséricorde. Il pria Azuzan d'obtenir de ses gardes qu'il pût faire sa prière. Il commença à rendre grâce d'avoir été gouverné en ce monde par Jésus-Christ, lui qui l'appelait maintenant, lui qui donne secours en danger, consolation en fâcherie, aide au travail, qui lui avait toujours été guide en ce monde. Il dit, Seigneur Dieu, toi qui m'as fait savoir que j'étais tien. Je n'ai point pris femme pour ne travailler qu'à toi afin que la condition charnelle ne diminue pas la grâce de ton temple. Toi qui as retiré mon esprit et de nos richesses mondaines par ta grâce et providence divine, pour m'enseigner les biens de ce monde où il y a plus de pertes que de gains, et par ce moyen m'a incité d'être ici-bas contenté de pauvreté, à chercher sans cesse les trésors cachés de la vérité en Jésus-Christ accompagné à toujours des richesses spirituelles, heureux de tes bienfaits sans en désirer d'autres. J'ai été fait pauvre, souffreteux, étranger, serviteur, en prison, en faim, en soif, en travail, en danger, pour que mon assurance ne périsse pas et que mon espérance ne fût pas confondue. Regarde vers moi Seigneur, car je n'ai pas caché ton argent mais l'ai mis sur la table et distribué aux argentiers. Étant appelé à ta table, je m'y suis trouvé pour aller te revoir à ton banquet sans chercher d'excuses de nécessité, je n'ai pas préféré la tranche de bœuf, ni besoin de prendre femme, mais étant appelé aux noces, j'ai vêtu ma robe blanche en attendant mon maître du retour des noces, sans oublier avoir l'huile toute prête. J'ai soigneusement gardé ma maison toute la nuit sans avoir été pillé par les voleurs, j'ai fait le guet à la première, deuxième et troisième veille pour voir ton visage et regarder, la nuit passée, la lueur de ta beauté, j'ai mis des souliers à mes pieds de peur que les plantes disseux ne fussent blessées, je n'ai point remis en vie mon mort corps, mourant de faim je ne l'ai point rassasié, mais au contraire j'ai châtié celui que tu m'as donné lié et j'ai tué mon prisonnier, désir charnel, pour ne pas délaisser celui dont tu as rendu la liberté, j'ai reçu en tes diffamations en terre dans l'espérance de la récompense au ciel. Si donc Seigneur, je t'ai été fidèle servant, que les larrons ne me sentent point venir pour jeter leur raie sur moi mais que ta gloire environne ton servant à cette fin, qu'étant vêtu d'une telle grâce, les puissances ennemies ne viennent me nuire. Suis-je resté court quand ils voulurent me couper le passage? Non Seigneur. Non ils n'ont pas ce pouvoir sur les tiens mais ils arrêtent ceux qui sont seulement eux pour les empêcher de passer outre. Viens à mon secours Seigneur, que je passe sans danger. Envoie en vérité ton servant vers le siège de ta majesté. Dresse mon chemin et que le démon ne m'épie point. Que ses yeux soient aveuglés par ta lumière, que sa bouche soit contrainte de se taire, vu qu'il n'a rien trouvé sur moi qu'il puisse dire digne ses œuvres. Ayant fait cette prière, il dit aux hommes d'armes. Venez et mettez à exécution l'ordre de celui qui vous a envoyé. Par quoi, courant tous sur lui, lui percèrent le corps avec leurs lances en plusieurs endroits. Il tomba et mourut. Les frères l'ensevelirent avec d'abondantes larmes en un sépulcre royal auquel les rois jusqu'alors avaient été ensevelis. Ils l'embaumèrent richement et l'enveloppèrent de linge de grand prix. Peu après, l'apôtre apparut à Siphora et à Azuzan, lesquels ne voulaient pas retourner à la ville, avaient été tout le jour ainsi assis près du tombeau. Il leur dit. Pourquoi demeurez-vous ici, pensant me garder? Je ne suis plus là, je suis monté là-haut et déjà ai reçu tout ce que j'avais espéré. Levez-vous et partez d'ici. vous viendrez avec moi dans peu de temps. » Cependant, la reine Trepsi et Midouane furent grandement tourmentés par le remède et Carisi. Toutefois, ils ne purent faire sans qu'elles veuillent condescendre à leur vouloir. Comme elles étaient en peine, l'apôtre leur apparut et dit : « Notre Seigneur Jésus-Christ vous donnera secours. Gardez-vous de tomber en faute. » Ayant sollicité leurs femmes par tous moyens, Médée et Carisie virent qu'ils travaillaient en vain et les laissèrent vivre comme elles voulurent. Depuis, la congrégation des frères se faisait en grande joie avec les disciples Sifora et Zuzan. Cette compagnie de fidèles fut souvent secourue par notre Seigneur, et chaque jour la foi prenait grand accroissement. Il advint peu après qu'un fils du roi Médée fut possédé du démon et ne trouva personne qui pût le guérir. Aussi le roi délibéra d'aller sur le lieu du supplice de l'apôtre pour ouvrir sa tombe et retirer des ossements à prendre au col et au bras de son fils, espérant par cela qu'il serait guéri. En montant la montagne, saint Thomas se révéla à lui et dit : « Tu n'as pas voulu croire aux vivants, mais maintenant tu crois aux morts. N'aie pas peur, notre Seigneur Jésus-Christ aura pitié de toi par sa bonté accoutumée et te fera participant des entrailles de sa miséricorde. » Médée ouvrit le sépulcre et ne put trouver les os, puisqu'auparavant les frères avaient recueilli les saintes reliques et les portèrent à la ville. Toutefois, le roi prit ce qu'il trouva de la terre, sur laquelle les reliques de l'apôtre avaient reposé. Il l'attacha à son fils et dit ces mots : « Je crois maintenant en toi Jésus-Christ depuis que cette infection qui transporte les esprits des hommes et m'empêchait d'approcher de toi s'est éloignée de moi. » Aussitôt son fils fut guéri. Il y eut grande réjouissance entre les frères à cause de la conversion du roi. Ô roi céleste Jésus-Christ et à Dieu, honneur et gloire au siècle immortel. Thomas à Candas. Acte de Thomas à Candas. Malan 1871. Thomas prêcha aux Parthes, Perses, Mèdes et Indiens. Il baptisa la fille d'un roi indien qui l'a fait transpercer à mort. Aban le marchand emporta son corps à Édès, situé près de la rivière Euphrate, mais certains disent qu'il fut enterré à Malof en Inde. Il est allé annoncer en Égypte, ses dirigeants en Arabie Nord baptisaient les rois mages. Il envoya un de ses disciples vers Thaddée pour qu'il se rende auprès du roi Abgar. Il alla jusqu'en Bactriane, Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Chine, montagne du Tibet et frontière de la Russie. De là il partit assister à la mort-résurrection de la Vierge. De la Palestine il traversa l'Italie, en partie l'Allemagne, la Suisse et la France. Il se dirigea vers l'Afrique, longea le royaume de Judith en Abyssinie et parcourut l'Éthiopie. Thomas alla ensuite à Socotora, aux Indes et à Meliapur, où un ange le tira de prison. Il traversa le continent indien. Il parcourut en partie la Chine jusqu'au nord de l'Asie, qui est maintenant à la Russie. Il se dirigea vers l'île du nord du Japon où sont des montagnes énormes. Fin de la vision des Mauriques. Comme il approchait d'environ 3 kilomètres, il se mit un peu en retrait de la route et vit étendu mort un jeune de bel aspect, et se dit : « Seigneur, pour quelle raison m'as-tu amené ici voir cette surprise ici ? Que ta volonté se fasse sur cela puisque tu m'as envoyé. » Puis il pria : « Ô Seigneur, toi le juge des vivants et des morts, de ceux qui n'ont pas encore été, tu es Seigneur et juge, non homme de chair ou esprit de mort. À toi Seigneur et juge, je fais appel à cette heure pour montrer ta gloire sur ce jeune étendu là pour qu'il retourne à ses compagnons. Cet acte n'est pas un hasard, mais un ennemi l'a fait, leur dit Thomas. » Quand il dit cela, un serpent sortit sa tête sous une pierre et frappa le sol de sa queue en sifflant bruyamment. « Je veux disputer celui-ci en ta présence, puisque je sais que tu es venu détruire mes agissements, dit-il à l'apôtre. Parle. Il y avait une belle femme au milieu d'un jardin que j'aimais surveiller et suivre, dit le serpent, mais je rencontrais ce jeune avoir relation avec elle et autres. Je ne le tuerai pas pour l'instant, mais je le garderai jusqu'à ce que je le frappe et le tue. À travers ce que je sais, j'ai découvert que tu es le frère jumeau de Christ, l'esprit que j'ai toujours tenté d'affaiblir. De quelle semence es-tu et quelle parenté ? De descendance de l'oppresseur et de l'oppressé, lui dit la bête rampante et hostile. Le frère de ceux qui sont placés contre Dieu. fils de celui assis sur le siège, pour lier ensemble tous ceux qui empruntent de l'usurier. Fils de celui qui régale les ivrognes, et de celui qui sortit de la mer, dont la queue est fixée dans sa bouche. De celui qui était dans la plus profonde portion du jardin d'Éden qui vint vers Ève et lui parla comme mon père m'ordonna. De celui qui dit à Caïn de tuer son frère, et pour ma cause la terre fait pousser épines et chardons. De celui qui envoya les anges d'en haut, les emprisonnant par la convoitise des femmes, que de naissent des enfants sur la terre, en laquelle je fais ma volonté. De celui qui endurcit le cœur de Pharaon pour mettre à mort les enfants d'Israël, les écraser de travaux sous le joug d'esclaves. De celui qui égara un grand nombre dans le désert pour faire une image gravée. De celui qui fit irriter Hérode, qui invita Caïphe au mensonge en envoyant Jésus vers Pilate. De celui qui trompa Judas pour trahir Jésus à mort. De celui qui commanda la froideur des profondeurs sur le Fils de Dieu par laquelle il se contracta. Un proche de celui qui vint de l'Est à qui pouvoir fut donné de faire ce qu'il souhaita sur la terre. Ce serpent parla ainsi aux oreilles de tous les gens. L'apôtre répondit. Reste tranquille à présent. À toi savant des bassesses je te dis, ton jour de damnation est venu. Que ta langue soit réprouvée, ne parle plus pour faire entendre tes discours. Je t'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est depuis la fondation du monde, et sera dans tous les âges pour la cause des élus. Reprends le venin qui tu as mis dans cet homme et garde-le. Voici venu le temps de la destruction comme tu as dit. Mais pour quelle raison me fais-tu reprendre mon venin que j'ai jeté sur cet homme? Car je vais mourir avant mon temps, dit le serpent, comme mon père qui a jeté son venin pour agir dans le monde, vint aussi son jour de damnation. Montre-moi maintenant le venin que ton père a jeté dans le monde. En présence des gens, le serpent mit sa gueule dans la blessure et retira le venin. Le teint du jeune homme changea aussitôt du violet au blanc, il revint à lui et bondit pour embrasser les pieds de l'apôtre. Après avoir retiré le venin, le serpent gonfla et mourut en éclatant. Quand le fiel de son venin se déversa, le sol se fissura et le serpent tomba dans le sol. L'apôtre dit au roi et au peuple. Amenez des ouvriers et creusez cet endroit pour fonder une maison bien bâtie pour loger les étrangers. J'ai fait le mal, dit le jeune homme à l'apôtre. Verse en moi ton pouvoir caché en toi comme j'ai vu cet homme debout près de toi te dire sans cesse. Montre-nous les miracles que tu fais pour recevoir une récompense pour nous, car beaucoup vivront, et que cela te soit repos et lumière à toujours avec le Fils de Dieu. Je suis allé des ténèbres à la lumière, sans effort ni difficulté, arraché de l'esclavage du monde, je suis libéré de celui qui m'avait rempli d'amertume pour mal agir, en moi j'ai renoncé à l'image née de ces ténèbres qui me poussa à commettre le péché. Toi qui m'as ramené à la vie lorsque la mort m'avait pris, qui m'as mis sous ta protection, c'est pour le bien que tu es venu chez nous m'apprendre de bonnes choses. Désormais j'ai trouvé celui qui m'éclaire qui est, comme toi, étranger et épars, un libérateur. Il va ouvrir nos yeux et verser en nous la connaissance du juste pour que ceux qui l'écoutent apprennent à avoir honte à cause de ce qu'ils ont fait pour se repentir. Quant à moi, je vois maintenant que cet acte béni est fait avec vérité, ce dont on n'est pas honteux. J'ai trouvé celui qui me fera du bien et me détournera de tout le mal. Je suis venu vers celui qui est vraiment fils et part, un conseiller. Comme un brouillard disparaît, ainsi il va mettre la lumière sur le monde pour guérir mes plaies et mes coups. Homme de Dieu, je te demande de me montrer cet homme encore. Je veux lui plaire pour entendre encore sa voix merveilleuse qui n'a pas été créée, qu'on ne peut retenir d'agir et qui fait parler le corps. Tu es maintenant libéré, crois en ce qu'il a dit si tu comprends, répondit l'apôtre. Celui qui travaille en toi entend ton amour et ton désir de le voir pour être toujours avec lui. Ainsi tu seras dans son repos, vivant dans sa joie. Si tu ne prétends pas faussement demeurer en lui, ni retourner à ton ancien mode de vie, ou ne pas faire du bien, voici qu'il t'a montré sa bonté, son baptême de lumière. Non de dans la présente vie qui meurt mais dans la vie à venir, je te dis que tu retourneras à lui qui est vie, de qui vient cette vie éternelle, alors tu pourras dire, je suis sauvé. Il nous a dit avoir préparé pour les âmes qui croient en lui des richesses qui ne sont pas de ce monde, ce que nous cherchons et annonçons par cette grande lumière qui m'a été donnée. Il a dit de ceux qui portent des vêtements riches, qui vivent dans les maisons des rois, parmi ceux qui mangent de somptueux repas, combien il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume céleste. Nous avons reçu l'ordre de nous abstenir des besoins de ce monde ivre, et de ne pas nous préoccuper du manger, ni du boire ou du vêtement pour notre corps. Parce que l'âme est plus importante que la nourriture et le vêtement, la facilité ou l'inaction du corps sera appelée en jugement. Pense en toi-même que ce qui est plus important que le monde vient de Dieu. Les saints anges, les vigiles, la joie de vivre, le véritable vin, le vêtement éternel qui ne s'use pas, ni ne vieillit. Ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille entendu, ni venu au cœur de l'homme. C'est cela que nous cherchons et annonçons. Crois-toi aussi afin que tu vives, mets ton espérance en celui qui ne veut aucun présent pour te guérir, d'offrande ou de sacrifice qu'il n'a pas demandé. Mets en lui ta confiance et il ne te repoussera pas, il ne t'abandonnera pas à toi-même et ne te quittera pas depuis que sa bonté qu'il porte envers toi t'environne pour l'aimer. Pour cette raison il ne te laissera pas, ni ne t'abandonnera, pour que tu ne te détournes pas de lui. Tandis que l'apôtre parlait au jeune homme, beaucoup de personnes vinrent vers lui. Il parla à tous. Et parce qu'ils devaient lever leur tête pour le voir, ils le placèrent à un endroit plus haut. Il leur dit. Vous savez maintenant que je suis un homme comme vous quand vous m'avez un peu soulevé pour me voir. Vous qui désirez croire en Christ et devenir un frère pour lui, qui habite en haut mais voit dans les profondeurs sans être vu. Vous pourrez le voir, mais d'abord abstenez vos âmes. Des conversations, d'agissements qui ne profitent pas, d'affections destructrices, de dépenses aux biens qui s'usent et aux vêtements qui vieillissent, ainsi que de votre propre chair qui putréfie, car toute chair dépérit et devient poussière pour retourner à la terre d'où elle vient. Croyez seulement en Dieu et soyez baptisés dans le nom de Jésus, le Seigneur que nous annonçons pour qu'il devienne votre espérance de vie pour l'éternité et votre guide pour traverser les agitations de cette mer et les cruautés de cette terre, jusqu'à son havre de repos. Il sera pour vous comme une source d'eau vive dans une terre asséchée. Il sera pour vous un bon soutien dans chaque endroit. Il sera pour la paix de votre âme et la guérison de votre corps. Les gens rassemblés en foule pleurèrent en écoutant l'apôtre. On lui dit : Nous ne pouvons de nous-mêmes dire être Dieu que tu annonces à cause de nos habitudes de vie, car il nous est étranger. Mais si la pitié de Noé nous fait miséricorde pour pardonner le mal de nos anciennes conversations, s'il ne se souviendra plus de tout le mal que nous avons fait avant et que nous serons dans son amour en gardant ses ordres, nous pratiquerons alors sa loi à l'extrême. Il ne se souviendra, ni ne rappellera contre vous le mal que vous avez fait en vivant dans le mensonge. Il ne regardera plus vos anciennes fautes. L'apôtre parlait avec les gens lorsqu'un âne s'avança pour ouvrir la bouche et dire. Apôtre du plus haut rempli de la parole de Dieu et servant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui sais les choses cachées, qui es devenu le servant du Fils de Dieu dans la joie de servir, racheté à grand prix, semblable à la grande race. Toi qui es son élu afin d'assujettir l'ennemi et nous sauver des habitudes de vie du grand nombre des habitants de Candace. Tu es venu chez de mauvais hommes. Par la guidance du Seigneur, retourne maintenant à ton Seigneur Dieu qui t'a envoyé. Monte sur moi et repose-toi maintenant jusqu'à ce que tu arrives à la ville. Jésus, dit l'apôtre, toi qui fais miséricorde à qui tu veux, qui donne patience aux parfaits et pouvoir aux animaux eux-mêmes pour dire des mystères et se révéler notre secours contre la mort. Nourrici envers ceux qui nous reçoivent et nous donne répit du travail physique, sauveur de nos âmes, source d'eau pure, fontaine infaillible. Toi que rien ne peut défier, qui as pitié de tes servants et les soutiens à combattre contre le monde pour ta cause, toi qui mets l'ennemi au combat et l'éloigne de notre cause par de nombreux combats, saint conquérant glorieux, qui donne joie à tes choisis, qui met au combat et triomphe du loup pour délivrer tes brebis. Nous te louangeons, nous te confessons avec ton Père invisible, avec l'Esprit qui donne vie, car tu es juste dans tous les âges. Certains qui se tenaient là en attente plaisantèrent en le voyant, disant. Que répond-il à l'âne, là debout à regarder le ciel pendant des heures? Et Thomas dit à l'âne. Qui es-tu et que deviendras-tu? Ce qui est sorti de ta bouche est terriblement grand et merveilleux mystère. Je suis un parent de naissance de celui qui a servi Balaam, son maître et seigneur, répondit l'âne, Et maintenant je suis envoyé pour te donner du répit quand tu monteras sur moi. » L'apôtre crut avec son cœur et dit : « Tu es ma portion qui vient à moi dans ma difficulté. » « Monte, » dit alors l'âne. « Partons maintenant que je suis venu. » L'apôtre s'avança pour monter sur l'âne qui le porta, et lui demanda d'offrir ses vœux pour être béni de lui. Comme l'âne allait avec l'apôtre, certains se mirent en avant, d'autres en arrière, marchant ensemble pour avoir la fin, comment l'apôtre renverrait l'âne. Arrivé aux portes de la ville, il descendit de l'âne et lui dit : « Va et prends garde à tes allées et venues. » Tout d'un coup, cet âne tomba devant l'apôtre et mourut. Tous ceux qui étaient présents tremblèrent en disant : « Nous te prions, relève-le, relève-le en vie. » L'apôtre leur répondit : « Par le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ je le relèverai si je pouvais, ou lui aurait dit la parole pour l'empêcher de mourir, mais sa volonté n'était pas de vivre plus longtemps.